Bismillah walhamdu lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 9 du mois de Rabi'in al-Akhir de l'année 1443 de l'Hégire, nous entamons le 6e cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Al-Usul al-Sibta, les 6 fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman At-Tamimi, rahimahullahu ta'ala. Il dit, rahimahullahu azza wa jal, dans le sens de ses paroles. Allah, subhanahu wa ta'ala, a indiqué qui étaient ses alliés et les a différenciés, ses alliés ici donc. Al-Wali, al-Awliya. Allah, subhanahu wa ta'ala, a indiqué qui étaient ses alliés et les a différenciés de ceux qui se font passer pour eux parmi les ennemis d'Allah, les hypocrites et les transgresseurs. Un verset de la sourate la famille de Imran suffit pour expliquer ce fondement. Il s'agit de sa parole. Tabaraka wa ta'ala dans le sens dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Et un verset de la sourate la table servie, Al-Ma'ida. Il s'agit de sa parole. Subhanahu wa ta'ala dans le sens, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Ainsi qu'un verset de la sourate Yunus, il s'agit de sa parole, Ta'ala, dans le sens, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Puis la situation devint telle que, d'après la plupart de ceux qui prétendent détenir la science et prétendent être les guides pour l'humanité et des gardiens de la religion, les alliés d'Allah devaient délaisser le suivi des messagers. Ainsi, quiconque les suivait ne comptait pas parmi ses alliés, parmi l'Awliya. Et ils devaient délaisser le combat dans le sentier d'Allah. Ainsi, quiconque y participait ne comptait pas parmi eux. Ils devaient également délaisser la foi et la piété. Ainsi, quiconque n'en parlait, ainsi quiconque s'en parait ne comptait pas parmi eux. Ô Seigneur, nous appellerons ton pardon et ta protection. Tu entends certes notre appel. Ce fondement est une réfutation à Soufiya, les soufis, et ceux qui suivent leur voie, comme je l'ai dit dans le premier cours. Ici, Cheikh l'Islam, rahimahullah, va s'appliquer à détailler et déterminer qui sont les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'awliya, de même que ceux qui n'en font pas partie, et qui se prétendent, ou que l'on prétend de qu'ils sont des alliés d'Allah. Encore une fois, ils ne se contentent pas de détailler le bien, mais ils détaillent le bien et le mal, ce qui le contredit, afin de s'en prémunir. Cheikh Abd Salam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, dit, dans le sens de ses paroles, Cheikh, rahimahullah, est venu avec ce fondement. Car la plupart de l'égarement des gens est venu du fait qu'ils ont mis certains pieux, certains mujtahidin, c'est-à-dire ceux qui font des efforts dans leur religion, à une place qui n'est pas la leur. Puis, les gens leur ont imputé des droits, ont imputé à ces awliya, à ces alliés réels, des droits. Comme je l'ai dit précédemment, on a vu que certaines personnes de qui les gens prétendent que ce sont des awliya étaient réellement des pieux, des gens de science, des rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala dans leur vie. Et certains n'en étaient pas. Et je reviendrai à cela à la fin du cours, incha'Allahu ta'ala. Donc ils ont imputé ces gens à ces alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala des droits. Et il se peut même que certains les aient adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, l'auteur a voulu, par ce fondement, éclaircir cette chose. Car la plupart des associations des gens est venue de leur attachement aux pieux, al-awliya. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes éclairci cela dans son livre. Et le législateur ne s'est pas contenté d'éclaircir et de détailler les caractéristiques des awliya, des alliés d'Allah. Plutôt, il a aussi détaillé dans son livre, Tabaraka wa Ta'ala, la différence qu'il y a entre les alliés d'Allah et les alliés de Shaytan. Car en effet, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, il y a les alliés d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Qui sont les alliés d'Allah? Comme on l'a dit, tout croyant pieux, comme il est venu dans le verset de Sourate Yunus, comme on a lu ici. Et les alliés de Shaytan. Donc on a les alliés d'Allah et les alliés de Shaytan. Comme le dit Cheikh Abd Salam ici, Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas contenté dans son livre d'éclaircir et de montrer qui sont les alliés d'Allah, mais il a aussi déterminé et éclairci qui sont les alliés de Shaytan. Ici, Cheikh Abd Salam nous dit que l'auteur a commencé par détailler dans ce fondement, de détailler, d'éclaircir qui sont les alliés de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit, rahimahullah, un verset de la sourate, la famille de Imran, suffit pour expliquer ce fondement. Il s'agit de sa parole, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Cheikh Abd Salam de dire que l'auteur a évoqué ici ce verset afin d'éclaircir et de déterminer la réalité des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce verset, même si elle est en relation avec al-mahabba, c'est-à-dire l'amour qui doit être voué à Allah tabaraka wa ta'ala, mais il est venu avec ce verset afin de réfuter ce que certains parmi as-soufiya, certains parmi les soufis, ont fait comme exégèse de ce verset, ont fait comme tafsir de ce verset, en expliquant al-mahabba, l'amour qui est venu dans ce verset, par différentes exégèses, différents tafsirs faux. Et ils ont prétendu que les alliés, al-awliya, les alliés d'Allah, étaient ceux qui étaient comme eux. C'est-à-dire, as-soufiya, lorsqu'ils sont venus pour expliquer ce verset et donner un tafsir de ce verset, ils ont expliqué ce verset par le fait que les alliés d'Allah, al-awliya, sont ceux qui sont comme eux. Dans leur égarement, ils ont dit que ce sont eux qui sont les aimés d'Allah. L'auteur a donc évoqué ce verset, car ce verset est le juge entre le véritable amour et l'amour prétendu. Car ce verset est descendu à propos des juifs et des chrétiens qui prétendaient l'amour d'Allah et prétendaient être les bien-aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais qui n'ont pas suivi, donc les juifs et les chrétiens n'ont pas suivi la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a donc fait descendre ce verset comme épreuve pour eux. C'est pour ça que ce verset, comment on l'appelle? Comment il est appelé ce verset? Ahsant Omar. Ayatul imtihan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dit, si vous aimez Allah, vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Ce verset est appelé, comme l'a dit Omar Azzallahu Khaira, Ayatul imtihan, le verset de l'épreuve. Allah Azzawajal a fait descendre ce verset sur les juifs et les chrétiens comme épreuve pour eux. Il vous met à l'épreuve. Tabaraka wa ta'ala. Si vous aimez vraiment Allah, suivez donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers. Suivez donc sa législation, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, rahimahullah, Cheikh Abd Salam, Allah a donc fait descendre ce verset comme épreuve pour eux, en leur adressant ce message que il est impératif pour vous de nous donner une preuve de ce que vous prétendez comme amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la preuve. Le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa législation. Puis Cheikh Abd Salam de dire, ceci est donc une preuve que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses créatures est lié au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit dans le sens de ces paroles: ce n'est pas toute personne qui prétend à al-walaya, c'est-à-dire ce statut de wali, ce n'est pas toute personne qui prétend al-walaya, donc ce statut de wali, qui en est vraiment un. Sinon, toute personne prétendrait cela. C'est-à-dire, si la prétention d'être un wali, d'être un allié d'Allah, un bien-aimé d'Allah suffisait, tout le monde prétendrait cela. Mais plutôt, la personne, ça c'est une règle très importante qu'il va dire ici, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, la personne qui prétend cela, qui prétend avoir ce statut, avoir atteint ce degré de wali, doit être pesé, doit être mis dans la balance du Qur'an de la Sunna, entre guillemets, ceci n'est pas la parole de Cheikh. Doit être mis dans la balance du Qur'an de la Sunna. C'est-à-dire, ici, Cheikh nous dit que cette personne, ses œuvres, doivent être pesées. Dans quelle balance? La balance du Qur'an de la Sunna. Si ses œuvres sont, comme on l'a évoqué précédemment, en concordance avec ce qui est venu dans le Qur'an de la Sunna, eh bien, à ce moment-là, sa prétention sera véridique. Sinon, non. Il dit, rahimahullah, donc que ses œuvres doivent être pesées. Puis, si ses œuvres sont construites sur la foi et la piété, il sera alors un wali, un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi construite sur la foi et la piété? Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Moi, j'ai rapporté donc ce commentaire de la parole de Cheikh en disant que ses œuvres doivent être pesées dans la balance du Qur'an de la Sunna. Et Cheikh Ibn Uthaymin, ici, rahimallah, a dit ses œuvres doivent être pesées. Et si elles sont construites sur la foi et la piété, alors ce sera vraiment un wali. C'est les deux piliers Ahsante. Ahsante. Ce sont les deux piliers de al-walaya, comme on l'a dit précédemment. Les deux piliers de al-walaya, de cette place, ce rang de wali, de bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, quels sont-ils, ces deux piliers? La foi et la piété. Quelle est la preuve? Abdallah, tfaddal. Ahsante, le verset donc de Sourate Yunus qu'on a évoqué, ceux qui ont cru et qui ont craint ou qui ont été pieux, ceux-là sont les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, al-awliya. Donc il dit, rahimahullah, si son œuvre ou ses œuvres sont construites sur la foi et la piété, il sera un wali. Sinon, il ne sera pas un wali. De même que sa prétention d'être un wali, faites bien attention à cela, car as-soufiya, les têtes parmi As-Soufiya prétendent eux-mêmes être Al-Awliya. Ils le disent, je suis un wali d'Allah. Ou au moins, si certains d'entre eux ne le disent pas, ils entendent tous leurs suiveurs le dire et ils ne le réprouvent pas. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin ici, rahimahullah, sa prétention d'avoir atteint ce rang, d'être un wali, est une recommandation qu'il se fait pour lui-même. Et ceci va à l'encontre de la taqwa, de la crainte, de la piété. Le fait de se faire un éloge, une recommandation à soi-même ou de soi-même, un éloge à soi-même, ceci va à l'encontre de la piété. C'est-à-dire que si nous disons que le wali, c'est celui, nous le disons, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit cela. « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun » الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا ceux qui ont cru وكانوا يتقون et qui ont été pieux qui ont craint. Nous disons donc que les deux piliers de al-walaya, les deux piliers pour être un wali, les deux conditions pour être un wali, ce sont la foi et la piété. Et Cheikh nous dit ici que si une personne prétend de sa propre personne d'être un wali, c'est une tazkiya pour sa propre personne, c'est une recommandation, c'est un éloge qu'il se fait à lui-même. Et l'éloge qu'il se fait à lui-même, c'est quelque chose qui est contredit à taqwa, la piété. Donc à partir de là, juste par cette prétention d'être un wali, tu sais qu'il n'en est pas un. Vous avez compris le cheminement, la chose à laquelle veut arriver Cheikh par cela? Rahimahullah. Puis Cheikh de dire, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, les gens du fond, parmi ceux qui exagèrent, parmi As-Soufiyah, parmi les Soufis, prétendent que Al-Wali a un plus haut degré que le messager, qu'un messager d'Allah, alayhi mussalat wassalam, et que la science de l'Wali est en dessous, un petit peu en dessous de la science du prophète. Il faut savoir que chez Soufia, le prophète est au-dessus du messager. Le prophète, le rang de prophète est au-dessus du rang de messager. Je ne vais pas traiter ce sujet ici, mais voilà, c'est une chose qui est connue chez Soufia, le fait qu'il place le prophète au-dessus du messager. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a le prophète et au-dessus du prophète le rang de messager. Qu'il y a le messager et au-dessus, qu'il y a le messager et au-dessus du messager, le prophète. D'accord ? Donc, il faut savoir que les soufis, ils disent que la science, donc le wali est au-dessus, à un rang plus élevé que le messager, et que sa science est au-dessus de la science d'un messager, et un petit peu en dessous de celle du prophète. Ceci, je l'ai déjà expliqué, je vais juste y revenir rapidement ici. Je l'ai expliqué dans le cours numéro 2, si vous vous rappelez, et j'ai passé un bon moment avec vous sur cela, pour expliquer cela. Revenez à cet audio. Barakallahu fikoum. Je vais revenir à ça rapidement. Et ceci d'après la parole de Ibn al-Arabi qui disait Maqam al-wali fi barzakhin fuwaiq ar-rasuli wa dun an-nabi. Donc la place de al-wali est dans une place intermédiaire, un petit peu au-dessus du messager et en dessous du prophète. Je vais expliquer cela ici. Avant, je rapporterai certaines paroles de Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, qui est mort en quelle année ? Ibn Hazm, qui est mort en quelle année ? Ibn Hazm al-Andalusi est mort en 456 de l'Hégire. 456. Qui a quoi comme livre qui est connu ? En particulier dans le fiqh. Un livre très connu, Ibn Hazm. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Qui est un livre très connu dans Al-Fiqh. Il a aussi un livre qui s'appelle Al-Fisal. Et certains l'appellent Al-Fasl. Fi Al-Milali wal-Ahwa'i wal-Nihal. C'est un livre dans lequel il rapporte la croyance de beaucoup et beaucoup de sectes qui s'apparentent à l'islam. De même, dans ce livre, il rapporte la croyance des chrétiens. Et il s'étale sur le sujet. C'est un livre de référence pour connaître la croyance des chrétiens. Il s'étale sur le sujet. Donc dans son livre Al-Fasl ou Al-Fisal, il dit, dans le sens de ses paroles, Rahimahullah, un groupe parmi les soufis ont prétendu que les alliés d'Allah, Al-Awliya, sont meilleurs que l'ensemble des prophètes et des messagers. C'est un groupe parmi les soufis. Car parmi les soufis, il y a beaucoup de groupes. Un groupe parmi eux ont prétendu 456. Il est mort, Ibn Hazm, en 456. Rahimahullah. Que vous fassiez bien attention parce qu'il y a beaucoup de sectes soufis qui sont apparues au fil des années. Qui n'étaient pas présentes déjà à cette époque. Là, on parle à cette époque-là déjà. Il dit, un groupe donc parmi les soufis ont prétendu que les alliés d'Allah sont meilleurs que l'ensemble des prophètes et des messagers. Vous vous rappelez un petit peu ce que j'avais évoqué sur Al-Wali ou Al-Walaya, les rangs qu'il y a chez les soufis. Vous vous rappelez un petit peu ? On avait dit qu'il y avait trois étapes, trois rangs. Vous vous rappelez quels sont-ils ? Non. Le plus bas, c'est celui qui peut marcher sur l'eau. Le deuxième, il dit soi et c'est. Ahsant. Et le troisième, c'est un khutb. C'est un khutb. Et eux, ils considèrent que c'est comme si c'était Allah, en fait. Ahsant. Pour résumer, Jazakallah khair. Pour résumer, Al-Wali, revenez à l'audio numéro 2 de ce cours, de l'explication des six fondements. J'avais détaillé ça, je ne vais pas le détailler ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais Al-Wali, il est de plusieurs degrés chez As-Sufiyya. Le plus bas degré, ça consiste à ce qu'une personne marche sur l'eau, vole dans les airs, c'est-à-dire qu'il a des miracles comme cela. À partir de là, c'est un Wali. Le deuxième degré, c'est que cette personne, lorsqu'elle dit Kun, soit une chose est, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de créer. Ça, c'est le degré intermédiaire, ce n'est pas le degré le plus haut. Chez As-Sufiyya. Le plus haut degré, c'est Al-Qutbaniya. C'est-à-dire que c'est un Qutb. Et le Qutb, j'avais expliqué, revenez à cet audio, j'avais expliqué un peu plus en détail ce que c'était. Mais en définitive, le Qutb, il lui donne les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette personne-là, il est capable de se déplacer dans la création comme il veut. Il a la science de toute la création. Il peut, si déjà le degré inférieur, il peut créer celui-là à plus forte raison. Et il lui donne les attributs d'Allah, comme l'a dit le frère. Zallah khaira. Ça, c'est le wali chez As-Soufiya. Écoutez ici, Ibn Hazm, il dit à la fin de cette parole, je vous lis juste la fin ici pour que vous compreniez pourquoi j'ai rapporté aussi cette parole. Il dit, en gros, que nous avions entendu cela, ce qu'il rapporte, nous l'avions entendu, mais nous ne nous étions pas enquéris de cela. Nous n'avions pas vu cela réellement, nous n'avions pas entendu, nous l'avions entendu de certaines personnes, c'était rapporté que As-Soufiya dise les choses qu'il rapporte, mais nous n'avions pas vu réellement cette chose-là d'une personne qui se prétend de l'islam. Jusqu'à ce que nous ayons trouvé cette parole dans leur livre, c'est-à-dire, et que nous l'avions rapporté, donc nous l'avions rapporté dans ce livre, Al-Fasl ou Al-Fisal. C'est-à-dire que c'est une chose que peut-être on entend dans le cours et on croit que ça n'existe pas, alors que c'est quelque chose qui est bien réel. Et il y a beaucoup de gens qui croient en ces choses que nous rapportons. Puis il dit, rahimahullah, ils ont dit, les soufis, celui qui a atteint le plus haut degré dans Al-Walaya, le fait qu'il est un wali, ça c'est un groupe de soufis encore une fois qui le disent, comme je l'ai dit, ils sont de nombreux groupes et il y a des différences entre eux. C'est celui qui a atteint le plus haut degré dans ce rang d'être un wali, eh bien les obligations religieuses ne lui incombent plus. Il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne donne plus l'aumône et autre que cela. Il lui est autorisé aussi de commettre tous les péchés. Toutes les choses interdites, ceci est autorisé, de faire la fornication, de boire de l'alcool et autre que cela. Vous savez que chez les soufis, il y a encore, dans beaucoup de sectes soufis, le droit de cuissage. Vous savez ce que c'est que le droit de cuissage? C'est-à-dire qu'une personne, un adepte de la secte, de la voie soufie, vient de se marier, il amène sa femme, comme chez les chi'a, comme chez les chiites, il amène sa femme auprès du shir de la voie soufie qui lui déflore la jeune mariée avant le marié lui-même. Ça, c'est encore présent chez eux. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec notre religion, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, les interdits lui sont autorisés et Ibn Hazm nous dit ici, il s'autorise les femmes des autres. 456, on ne parle pas de secte contemporaine, bien que ces sectes contemporaines, ces voies soufis contemporaines s'autorisent aussi ces choses-là. Mais regardez, depuis cette époque, Ibn Hazm, un grand savant comme lui, ce n'est pas n'importe qui parle. Comme si on dit que ce sont des choses qu'on a entendu ça, mais ce n'est pas vrai. Déjà à cette époque-là, il s'autorise les femmes des autres. Puis il dit, rahimallah, certains ont dit, nous voyons Allah et nous lui parlons. Et tout ce qui est jeté dans notre fort intérieur, tout ce que Allah azzawajal, c'est ce qu'il prétend, alors que c'est bien Iblis, la'natullahi alayh, qui jette ces choses-là dans leur fort intérieur. Tout ce qui est jeté dans notre fort intérieur est vérité. Dès qu'il a quelque chose qui lui traverse l'esprit, c'est une vérité. C'est pour ça que Soufiya, lorsqu'ils sont noyés dans le soufisme, ils ne s'opposent pas à toutes ces inepties et toutes ces choses extravagantes que peut faire ou demander le shir de la voie soufie. Combien de vidéos vous pouvez voir même sur internet depuis qu'il y a ces moyens de communication comme YouTube, etc., où des soufis, ils se prosternent devant ces gens-là. Des soufis, comme on l'a vu la dernière fois, ils disent « Un tel, c'est lui Allah ». Des soufis qui font telle et telle et telle chose parmi les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit Ibn Hazm, et sachez que tous ceux qui ont pratiqué ces interdits et ces choses qui sont de l'attrait de la mécréance et qui se prétendent de l'islam sont à la base soit des chiites, soit des soufis. Il y a parmi les soufis ceux qui disent celui qui a connu Allah. Vous vous rappelez, on parlait du connaisseur d'Allah. Celui qui a connu Allah, il ne lui est plus obligé de faire les obligations religieuses. Al-arif billah, celui qui connaît Allah. Celui qui connaît Allah, celui qui dit, le Seigneur est le serviteur et le serviteur est le Seigneur. J'aurais aimé savoir qui est celui qui est responsable juridiquement. Si tu dis Seigneur, celui-ci est un serviteur. Et si tu dis serviteur, pardon, si tu dis serviteur, si tu dis Seigneur, celui-ci est un serviteur. Et si tu dis Seigneur, eh bien, comment pourrait-il être responsable juridiquement? Ça, c'est la traduction approximative, vous vous rappelez, des paroles d'Ibn al-Arabi, Soufi, que j'avais rapporté dans ce cours-là. Il dit exactement cela. Il s'interroge. Si tu dis, il dit, puisque ça, c'est la croyance, que toute chose dans la création est Allah. Tu leur demandes où il est Allah, ils disent partout. Nous, qui sommes des gens de la sunna, si on demande à nos enfants où est-ce qu'il est Allah, ils répondent quoi? Fis sama, établi sur son trône. Stawa ala arshihi, tabaraka wa ta'ala. Eux, si tu leur demandes, il est partout. C'est ça la croyance de wahdatul wujud. Allah azza wa jal est partout. De même que la croyance en al-hulul wa l'ittihad, c'est-à-dire que Allah azza wa jal est présent dans toute chose. Il est partout et il est présent dans toute chose. Donc il dit que le Seigneur est le serviteur et le serviteur est Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils se prosternent devant leur shir de la voix soufie? Parce que leur shir, c'est lui Allah. Allah, il est partout, il est dans toute chose. Et pourquoi est-ce qu'eux, ils ne pratiquent aucune obligation religieuse et ils ne se préservent d'aucun interdit? Ou en tout cas, pourquoi ils ne pratiquent aucune obligation religieuse? Parce que c'est eux les seigneurs, comme il le dit ici dans cette poésie que je viens de dire. Si tu dis que c'est un seigneur, si tu dis que le serviteur est seigneur, comme eux ils le disent, eh bien comment pourra-t-il être responsable juridiquement? Si c'est lui le seigneur, pourquoi est-ce qu'il va prier et jeûner et autres? Terminons ici avec la parole d'Ibn Hazm, vous avez compris le sens. Donc on va terminer ici avec la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a un livre très important qui s'appelle Al-Furqan, le discernement entre les alliés du tout miséricordieux, entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés de Al-Shaytan. Al-Furqan, qui est un livre très important, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a détaillé la différence qu'il y a entre eux. Avant cela, avant que j'oublie, comme je l'ai dit, certains qui sont pris comme Aulia, Siyyid, où les gens ils vont faire des pèlerinages tous les ans et autres. Vous vous rappelez, j'ai rappelé que certains d'entre eux étaient vraiment des pieux, des gens de science, comme par exemple ceux qui prennent la tombe de Al-Hussein, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Ali et Fatima, radiallahu anhum. Sans aucun doute, Al-Hussein faisait partie des pieux de notre religion. Même si cette tombe présumée, comme on l'a dit, la tombe de la tête de Al-Hussein, qui est présumée au Caire, il y en a une autre aussi en Iran, une autre en Irak, une autre en Syrie, et chacune est la tombe présumée de la tête de Al-Hussein. Et on ne sait pas en définitive, si on regarde historiquement, nous les musulmans, qui sommes une communauté minutieuse, la communauté de l'Isnad, Ummatul Isnad, la communauté de la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'on ne rapporte pas une chose sans qu'il y ait une chaîne de transmission. Si on regarde historiquement, on ne sait pas où est la tête de l'Hussein, radiallahu anhu. L'Hussein, qui faisait partie des alliés d'Allah. De même que certains qui sont pris comme Al-Awliya, et malheureusement beaucoup d'entre eux, une petite parenthèse, comme on l'a dit aussi, vous le savez, même si cette personne était un wali, ça ne donne pas le droit d'aller auprès de sa tombe faire des invocations, de l'invoquer lui-même, de faire et de faire. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne sont pas de notre religion. Certaines sont du kufr, de la mécréance claire et nette, et d'autres sont des innovations religieuses dont Allah Azza wa Jal n'a descendu aucune preuve. Mais ici, pour faire la différence et pour montrer la bêtise de ces gens-là, comment nous, la communauté de l'Isnad, de la chaîne de transmission, la communauté de la science, comment certains d'entre nous sont tombés dans ces bêtises sans aucune science ni livre clair qui nous éclaircit et qui nous montre la voie. Ici, comme je l'ai dit donc, certains d'entre eux étaient des pieux et certains n'en étaient pas. Vous vous rappelez, j'ai rappelé l'histoire de Abdus Salam al-Asmar en Libye. Il y a une autre histoire comme ça que je veux vous raconter, rapidement comme ça, l'histoire de Abu Sari'. Abu Sari', c'était, selon eux bien sûr, un grand pieux. dont beaucoup d'Égyptiens faisaient le pèlerinage jusqu'à son tombeau tous les ans. Son tombeau qui se trouvait à l'Ain Sukhna, au bord de la mer Rouge. Il faisait le pèlerinage à son tombeau tous les ans. Nombre et nombre d'Égyptiens. Jusqu'à un jour, et en fait, comment dire, ce tombeau, il y avait plusieurs familles, grandes familles, à cet endroit-là, qui revendiquaient le tombeau pour s'occuper du tombeau et qui revendiquaient, en fait, parce que, comme je l'ai dit dans les cours précédents, si vous vous rappelez, il y a à l'entrée de chacun de ces tombeaux une boîte. Vous avez ce que c'est, Sundur, Nouveau. Hein? La boîte des vœux. Tu viens, tu fais une demande ou un vœu, comme ils le disent malheureusement. Regardez, l'état de notre communauté. Des choses que les associateurs font lorsqu'ils regardent une étoile filante passer ou lorsqu'ils regardent telle chose et tout, ils disent ferme les yeux et fais un vœu. Nous, on va dans des endroits comme ça, on va faire un vœu. On met un billet dedans et on fait un vœu. Des boîtes à vœux. Donc, dans l'ensemble de ces mausolées, tu trouveras la boîte à vœux. Et donc, il y avait une boîte à vœux. Donc, on comprend très bien pourquoi ces deux familles se disputaient le tombeau et le fait qu'ils revendiquaient le tombeau et le fait de s'occuper de ce tombeau, puisqu'il y avait un bien. Jusqu'à ce qu'il y a eu vraiment. C'est arrivé à. Ils se sont presque battus pour cela. Et ils sont arrivés au fait qu'ils allaient déplacer le tombeau. Ils allaient le déplacer pour telle et telle raison par rapport à ces bagarres qu'il y avait entre eux, etc. Quand ils ont déplacé le tombeau a été ouvert. Ils ont trouvé quoi à l'intérieur? Une tête d'âne. C'est passé dans les journaux, dans la télé égyptienne. Le grand wali, As-Salih, Abu Sarih, était en vérité une tête d'âne. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire d'Abd Salam al-Asmar. Où ils ont enterré son âne et des années sont passées jusqu'à ce que l'endroit, le mausolée où l'âne a été enterré et finit par être adoré. Regardez, une tête d'âne. Tous ces gens qui sont venus depuis des années, faisaient le pèlerinage, c'était un endroit connu et reconnu. Abu Sarih. Voilà, c'était avant d'oublier. Je terminerai juste ici par la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui est très importante dans ce livre, le discernement al-Furqan. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Rahimahullahu ta'ala, il dit déjà, avant donc sa parole sur dans son livre al-Furqan, il dit, le hadith qui est le plus particulier concernant le rang de Wali est le hadith de Abu Hurayra, radiyallahu anhu, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, donc Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah le Très-Haut a certes dit, donc c'est un hadith Qudusi. C'est un hadith Qudusi. Donc c'est un hadith Qudusi, c'est-à-dire que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certains parmi les savants disent que c'est le sens vient d'Allah, et ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la vérité c'est que al-hadith al-qudusi, ce sont les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, le sens et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapporte comme tel. C'est un hadith qudusi. Donc Allah azza wa, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut a certes dit, quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare alors la guerre. Man 'ada li waliyan Waliyan, faqad adhantu bil harb. Celui ou quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare alors la guerre. Il n'y a pas une chose plus aimée par laquelle mon serviteur se rapproche de moi que ce que je lui ai obligé, ce que je lui ai rendu obligatoire. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah azza wa jalla où il détaille qu'est-ce que al-wali, parmi les caractéristiques du wali, celui donc qui œuvre les obligations religieuses. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je serai alors son ouïe par laquelle il entend, son regard par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend, son pied par laquelle il marche. Ainsi, s'il me réclame, je lui donnerai, et s'il me demande refuge, je lui protégerai. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son explication de Al-Arba'in Nawawi, a dit, lorsque Allah Azza wa Jalla dit ici, si je l'aime, je serai alors son ouïe par laquelle il l'entend jusqu'à la fin du hadith, ce n'est pas une preuve pour les soufis qui disent que Allah Azzawajal est dans sa créature. Non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je serai alors son oui », et c'est ce que nous comprenons, et c'est ce que toute personne qui comprend correctement la langue arabe comprend lorsqu'elle entend cela, avec à l'appui les preuves ou le reste des preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est-à-dire que Allah lui fait entendre. Allah lui fait entendre. Ce n'est pas comme une personne dont sa clairvoyance a été éteinte, mais plutôt Allah lui fait entendre. C'est ça le sens de « Si je l'aime, je serai alors son oui ». Donc ce hadith-là est le hadith, comme il dit Cheikh l'Islam, le plus particulier dans, concernant Al-Wali. Ici, Allah Azza wa Jalla nous détaille qui sont les awliya, qui sont ses serviteurs bien-aimés. Puis Cheikh l'Islam de dire, rahimahullah, celui qui ne s'est pas rapproché d'Allah en faisant les bonnes actions et en délaissant les mauvaises actions, ne fait pas partie de l'awliya, ne fait pas partie des alliés d'Allah. Et il n'est pas permis à une personne de croire qu'il est un allié d'Allah. En particulier, si sa preuve sur le fait que c'est un allié d'Allah est Al-Mukashafat. Al-Mukashafat, comme je l'ai évoqué dans un cours précédent, Al-Mukashafat, Wal-Wajd, Wal-Dawq, Wa-Wa-Wa, toutes ces paroles-là, ce sont des paroles utilisées par As-Soufiya. Elles n'ont pas de base dans la sunna du prophète. Ils disent Al-Mukashafat, Allah Azza wa Jal a levé le voile et m'a fait voir des choses. Al-Wajd, après avoir été entré en transe, j'ai trouvé dans mon esprit telle et telle chose et c'est venu d'Allah. Toutes ces paroles-là, ce sont des manières que les soufis ont de connaître ce qu'Allah Azza wa Jal veut de eux. Masakin, tu as besoin de rentrer en transe, de tourner sur toi-même et de faire telle et telle chose pour savoir ce que Allah Azza wa Jal veut de toi. Comment on sait, nous, ce que Allah Azza wa Jal veut de nous? En lisant le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en étudiant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, en particulier, si la preuve sur le fait que telle et telle personne est un wali, c'est Al-Mukashafa, comme je l'expliquais. Puis il dit, et il n'est pas autorisé à quelqu'un de prendre comme preuve cela, donc Al-Mukashafa et autres, pour dire qu'une personne est un wali d'Allah Azza wa Jal, si il ne sait pas, et ceci même s'il ne sait pas, que cette personne-là fait une chose qui contredit le rang de wali. Qu'en est-il alors si il sait de lui qu'il fait des choses qui contredisent le fait d'être un wali, le fait d'atteindre le rang de wali Allah, comme par exemple que cette personne, qu'il prétend être un wali, croit à la croyance qu'il ne lui est pas obligé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment. Ou qui croit qu'il le suit, il suit sa législation de manière apparente, mais en cachet, il n'a pas besoin. La réalité de sa religion cachée, ce n'est pas, dans son fort intérieur, ce n'est pas la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qu'il croit que les alliés d'Allah azza wa jal ont une voie par laquelle ils arrivent à Allah autre que celle des prophètes et messagers qu'il a envoyés à ses créatures, tabaraka wa ta'ala. Sur cela, celui qui aura montré al-walaya, qui aura montré aux gens qu'il était un wali, mais qui ne fait pas les obligations d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ne s'écarte pas des interdits, plutôt même qui vient à pratiquer des choses qui lui sont interdites clairement et qui vont à l'encontre de ce rang de wali, celui-là ne sera sans aucun doute jamais un wali d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam, ici, a détaillé dans son livre, et revenez ceux qui le peuvent à ce livre, Al-Furqan, Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Celui qui peut revenir à ce livre, donc le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et les alliés de Ash-Shaytan. Et il a détaillé aussi tout ce qui est en relation avec donc les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les alliés de Ash-Shaytan, comment faire le discernement entre eux. De même que, et une chose qui est très importante, ce qui est en rapport avec Al-Karamat, c'est-à-dire les miracles. Et c'est sur ça que je vais terminer. Ils parlent des miracles. Ils disent, cette personne-là, c'est un wali, c'est un allié, car il a des miracles. Il marche sur l'eau. On a vu que le plus bas degré, c'est le fait de marcher sur l'eau et de voler dans les airs. Et comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, comment tu fais pour savoir si ce miracle-là lui a été donné par Allah ou il est aidé par Ash-Shayatin? Comment tu le sais? Et Cheikh Ibn Uthaymin nous a donné le mizan, nous a donné la balance tout à l'heure. Tu mets son œuvre, celle-ci, dans la balance du Coran, de la Sunna. Tu vois une personne qui ne pratique pas ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. Tu vois une personne qui fait partie des gens de l'innovation, qui n'a pas la croyance de nos pieux prédécesseurs. Une personne qui est, sans aucun doute, cette chose-là, qui, avec laquelle il sera venu, c'est une chose, une œuvre qui l'a pratiquée par l'aide des shayatin, des diables. Parmi les djinns ou les ins, parfois. Mais si cette personne, c'est une personne qui fait partie des pieux, réellement, des gens de la sunna, que sa croyance est la croyance des gens de la sunna, à partir de là, on dira que c'est un miracle venant d'Allah, comme celui qui a été donné à Omar, Ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit « Yasariyatu al-Jabala ». Un jour où Omar, lorsqu'il était, radiallahu anhu, lorsqu'il était le gouverneur des croyants, radiallahu anhu, et qu'il était sur le minbar, et que Allah Azza wa Jalla lui a fait voir cette expédition qui était menée par Sariya, radiallahu anhu. Sariya, qui était en train de monter une montagne, une falaise, il était en expédition, et de l'autre côté de la falaise, que lui et son expédition ne pouvaient pas voir, un groupe d'ennemis, d'adversaires. Et Omar, qui était sur le minbar, a vu, Allah Azza wa Jalla lui a fait voir cette chose-là, et a appelé, Ya Sariya tu, il l'appelle Ya Sariya, Al-Jabal, c'est-à-dire fais attention à la montagne, c'est-à-dire de l'autre côté de la montagne. Lorsque l'expédition avec Sariya sont revenus, ils ont dit qu'ils avaient entendu la voix de Omar leur dire de faire attention à Al-Jabal. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième meilleur de cette communauté après Abu Bakr, et bien sûr après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, ceci est un miracle d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il lui a donné. Ou un signe qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a donné. Et comme le dit Cheikh al-Islam, pour résumer ici, pour ne pas tarder, il dit que les miracles ou les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle el-karamat, sont donnés en fonction, Allah Azza wa Jalla les donne en fonction du besoin de la personne ou du besoin des gens qui sont autour de lui. Combien, dans le sens de ces paroles, le résumé de ces paroles, rahimahullah, par rapport à cela, combien de pieux de notre communauté ne se sont pas vus attribuer ces miracles, ces karamat, à leur tête, as-sahaba, qui sont les meilleurs des hommes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prophètes, alayhim salatu wa sallam. Combien d'entre eux, alors que ce sont les meilleurs des hommes, après les prophètes et messagers, n'ont pas eu de miracles, n'ont pas eu de karamat. Donc ce n'est pas le fait que la personne est meilleure et plus pieuse, etc., que Allah Azza wa Jalla va lui donner des miracles. Plutôt, en fonction du besoin de la personne, ou du besoin des gens qui sont autour de lui. Donc, le fait de donner comme preuve que cette personne est impieuse, c'est pour cela qu'il a un miracle, ceci est faux. Et nous faisons tomber cet argumentaire par cette réponse que je viens de donner, le fait que combien parmi ces pieux, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams de la communauté, ne se sont pas vus attribuer de miracles. Et combien parmi les alliés de Shiatin se sont vus attribuer des miracles. Une dernière chose, je termine là-dessus. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a eu une confrontation avec certains parmi les soufis devant un gouverneur. Et ces derniers, donc, pratiquaient des choses et ils prétendaient que c'était des miracles. Ils pratiquaient des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ils prétendaient que c'était des miracles. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah les a confrontés et leur a dit « Venez et on va se confronter devant le gouverneur ». Il avait allumé un feu, demandé qu'on allume un grand feu, des braises. Et il leur a dit de passer donc dans ce feu. Ou c'est eux qui lui ont demandé, El-Muhim, dans l'affaire, Cheikh al-Islam leur a dit, chacun d'entre nous se lave entièrement avant de passer dans le feu, il n'y a pas de problème. Et à ce moment, ils ont commencé à avoir peur. Parce qu'ils savaient, rahimahullah, que ces derniers mettaient une sorte de graisse sur leur corps pour passer dans le feu, et cette graisse les préservait du feu, de la chaleur du feu. Donc ils traversaient le feu, comme le font certains encore aujourd'hui. Ils marchent dans le feu, ils traversent le feu comme cela. Certains ils le font parce qu'ils sont en transe et ils ne sentent rien. Et certains ils le font parmi Soufia, certains ils le font parce qu'ils utilisent des subterfuges, de la prestidigitation, du sihr, comme on l'a vu dans la khutba de vendredi pour ceux qui ont assisté. Et donc, Cheikh al-Islam, qui était quelqu'un qui faisait partie des plus intelligents de ce monde, il leur a dit, vous vous lavez, on se lave, chacun d'entre nous, et après on passe dans le feu. Ils ont commencé à trembler et n'ont pas voulu passer. Et là, leur subterfuge a été dévoilé devant le gouverneur des musulmans. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.